Le spectacle commémoratif des 70 ans de la chorale d'État émérite a eu lieu solennellement le 22 février au Théâtre du Peuple. Le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est présenté au siège d'honneur. Au spectacle ont assisté le sous-maréchal Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti, vice-président du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, Kim Ki-nam, membre du bureau politique du comité central du parti, membre du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, les commandants de l'armée populaire de Corée, les cadres, créateurs, journalistes et rédacteurs des secteurs de la littérature, des arts et de la presse de l'armée populaire. Au répertoire du spectacle, commencé par l'hymne national, sont montés des numéros variés, entre autres, la musique d'orchestre et le chœur masculin « Nous suivrons pour toujours notre leader et notre parti », suite de chants des partisans, le trio vocal féminin et le chœur masculin « Le Pic Tsong-il au printemps », etc. Les artistes ont montré de façon impressionnante et artistique le profil imposant de la troupe artistique de l'armée révolutionnaire. Animé de l'idée révolutionnaire inflexible du Parti du Travail de Corée et de l'esprit révolutionnaire du Baek-tu, et avec la puissance irrésistible de la Grande Corée Kim Il-sung, Kim Jong-il, la représentation artistique a atteint son point culminant par le chœur masculin défendant le socialisme et notre marche. Elle est terminée par la musique d'orchestre et le chœur masculin, nous lui resterons infiniment fidèles. Le spectacle a manifesté énergiquement la foi et la volonté des militaires et civils coréens résolus à s'unir étroitement autour du dirigeant suprême Kim Jong-un et à remporter à tout prix la victoire finale de la cause socialiste Chuché, comme ils ont parcouru le long chemin de la révolution en tenant en haute estime le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Composé des musiques d'orchestre et des chœurs de style coréen et des musiques vocales variées, le spectacle a innové dans l'interprétation musicale et il a été fort applaudi du public. Très satisfait du spectacle révolutionnaire et militant, le dirigeant suprême a félicité chaleureusement tous les membres de la chorale d'État émérite pour le 70e anniversaire de fondation. Convaincu que la troupe artistique militaire remplira pleinement sa mission et son devoir comme troupe noyau et moteur de la révolution coréenne et digne éclairant des partisans d'aujourd'hui, le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les créateurs, artistes et cadres de la chorale.